Bonjour, c'est effectivement Cargo Cult. Amis du monde et de l'éther, amis du tumulte et du bruit, vous êtes gâtés aujourd'hui. On a commencé par un micro Larsen, vous avez vu. Alors, je vais vous faire croire que j'ai fait exprès, parce que c'est rend totalement hommage au groupe du jour. Bon, en fait, c'est pas vrai, il s'est mis là comme ça. Mais probablement, on peut interpréter ça comme un très chouette acte manqué qui va nous permettre d'introduire Sonic Youth. Et leur bien-aimé, mal-aimé aussi, album Bad Moon Rising. Alors bienvenue dans ce Cargo Cult et s'attaquer avec des guillemets évidemment, à Sonic Youth. J'ai touché un petit peu là au pinacle du noise rock, au classique des classiques aujourd'hui. Alors, on a tellement Aurélé Sonic Youth que par moments on a envie de les chatouiller un petit peu. Et leur trouver des défauts, mais bon, on leur trouvera surtout essentiellement des qualités. Bon, ils n'ont pas inventé le bruit, hein, Sonic Youth, loin de là. Mais à l'évidence, ils ont poussé le bouchon d'oreille chez des auditeurs beaucoup plus, finalement, overground que strictement underground. Quant à Sonic Youth, ce n'est pas un secret non plus. Ça a été les passeurs, finalement, d'un art très souvent vachement plus vitalisé que leur propre musique, quoi. Parce que finalement, Sonic Youth, ça n'est qu'un groupe de rock. Mais voilà, il a changé de rock, ce groupe. Et carrément, durablement. Et sur une carrière qu'on va pas... Alors là, je vais pas me lancer dans le truc. Je m'attaque au début. Pourquoi ? Parce que, et puis alors là, autant l'avouer tout de go, et je veux le dire fièrement, hein, et après, on a le droit d'avoir ses partis pris dans Cargo Cult. C'est même un peu à ça que ça sert comme émission. Bah pour moi, Bad Moon Rising, c'est le deuxième album du groupe, et c'est tout simplement le meilleur. Pas un disque de Sonic Youth venu ensuite n'a égalé celui-là. Alors, si les disques qui sont arrivés après l'ont pas égalé, pourquoi ? Et c'est en quoi je vais exprimer une subjectivité singulière aujourd'hui pour même, alors réhabiliter ce disque, ça n'a plus de sens aujourd'hui, mais très longtemps, ça a été le disque maudit de Sonic Youth. Parce que c'est le disque foutrac, parce que c'est le disque où il n'y a pas de tube. Même s'il y en a un en fin de titre, mais qui est presque forcé, quand bien même il est génial. C'est clairement le disque le plus expérimental de Sonic Youth. On est en 1985, c'est un disque sombre, totalement violent. Bon, alors non, la violence s'est exprimée par ailleurs chez Sonic Youth. Mais c'est une violence vraiment, vraiment noire. C'est un disque très sexuel, très, très maladif, en fait, et qui a vraiment, vraiment été beaucoup contesté et qui est resté longtemps l'un des plus mal aimés de Sonic Youth. Là où les disques qui ont pu naître ensuite, ne serait-ce que Evol, qui arrive en 1986, juste après, va être très rapidement consacré. Et ma foi, si on doit citer un classique des classiques, un album au pinacle de la carrière de Sonic Youth, c'est un petit peu plus tard, mais toujours dans la fin des années 80, avec le célèbre double album Daydream Nation. Et de fait, Sonic Youth continuera. Et sous des incarnations, d'ailleurs, parfois plus ou moins dissimulées. Donc, retour au sujet du jour qui nous excite vraiment. Je ferai des petites allusions au groupe, alors, passé récent, mais très très volontairement, là je nous mets en 1985. Ma foi, le groupe débute pas totalement, mais enfin voilà, c'est le deuxième album, et comme je vous disais, la consécration viendra pas avec ces disques-là, et en même temps elle viendra avec ces disques-là. Je n'ai pas arrêté de jouer des contraires et des chauds-froids. Allez, on y va. Ah, Sonic Youth. Alors, on va rappeler une évidence. C'est un groupe qui se construit autour d'un trio fondateur qui est Thurston Moore, à la guitare et la voix. Lee Rinaldo, guitare et voix aussi. Et à cela, ajoutons Tim Gordon, la bassiste et vocaliste. Et quand je parle d'un trio fondateur, je crois même qu'on peut dire que c'est même la figure du couple en l'occurrence celui de Thurston Moore et Kim Gordon qui va donner son amour. Bah, tant et si bien d'ailleurs que le groupe va splitter finalement officiellement et plutôt récemment, hein, au milieu des années 2010-2015, quand le couple va cesser d'être un couple, tout simplement. Ah, donc ça fait du bien de commencer à parler de Sonic Youth en disant que finalement c'est fondamentalement une histoire d'amour. C'est pas ça qu'on pense tout de suite quand on parle de Sonic Youth, le mot amour on le met pas tout de suite. Bah là je le mets assez tôt. Alors c'est un amour un peu caché derrière beaucoup de grisailles et derrière du noise et du noise et du noise. Alors il se trouve qu'avec ce trio d'origine, il a une vraie base. Et il a une vraie base qui nous ramène au New York de l'époque, alors à ce fameux New York No Wave, dont on avait d'ailleurs fait de Sonic Youth l'un des parangons. Et pour tout vous dire, c'est aussi une définition que je conteste totalement. Non seulement Sonic Youth ne sont pas les parangons de la No Wave, mais ils en sont même les fossoyeurs. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la No Wave, c'est un truc qui exultait bien avant que Sonic Youth soit là, et puis qui fait feu de tout bois, et qui est plutôt anti-rock, finalement. Quand bien même, c'est foncièrement punk, voire trash. Lydia Lunch l'a montré, James Chance le montrait, mais aussi toute une frange de expérimentalo, disco, foutrac, qui était finalement très typique du strict début de New York, années 80, cette fameuse No Wave. On l'a dépeinte ici. Alors que Sonic Youth, en soit les non-parangons et les fossoyeurs, pourquoi ? C'est pas qu'ils soient étrangers au truc, évidemment, puisqu'ils ont leurs potes qui sont aussi là-dedans. Mais avec Sonic Youth, on va passer à autre chose. On va passer à un noise rock. Donc, d'une certaine manière, on revient à du rock, à du pur et dur. C'est une réaction. Mais alors, c'est une réaction qui est absolument dynamitée de l'intérieur, vitriolée par du noise à satiété, des accordages totalement triturés, et finalement, un son qui, effectivement, n'était pas apparu. Ou alors de manière super discrète et sibylline dans quelque chose auparavant. Là, c'est frontal. Et il se trouve que Sonic Youth, ils font leurs armes chez une figure qui est très importante et puis qui va être leur parrain au début, c'est Glenn Branca. Alors Glenn Branca, il est fameux pour ses symphonies de guitare. Et rappelez-vous, elles s'appellent toutes Symphonie numéro 7, Symphonie numéro 3, c'est très simple. Voilà. Et l'affaire Glenn Branca, ça prend la suite du célèbre guitare trio qui avait été composé en son temps. Et Glenn Branca s'était associé un petit peu à ça. Voilà. Et c'est très très intéressant parce qu'on a à ce moment-là une frange contemporaine et finalement d'obédience post-classique, quasi académique, qui va s'emparer du bruit, qui va s'emparer des guitares. Et Glenn Branca va notamment officialiser des symphonies de guitare, là, moult guitares, et pour beaucoup jouer à vide. Ce qui fait que bah, le pincement de la guitare, voire le pincement quand on la triturait trop fort, bah, donnait lieu comme ça à des longues stridences et indiquait comme ça très très très très lent. Et ça, cette marque de fabrique des premières symphonies de Glenn Branca, elle est dûment réalisée et faite par les héros dont on parle aujourd'hui. C'est là que l'histoire se fait. C'est là que Thurston Moore, Lee Ranaldo se rencontrent. Et c'est probablement là que va naître l'idée de faire enfin un groupe. Chose qui vient vite. Alors ça vient en 81. Il y a un premier maxi qui est presque anodin, j'ai envie de dire. Mais cela dit, il acte la naissance du groupe et va suivre. Et c'est Glenn Branca qui va produire le truc sur son label. Le premier album du groupe, Confusion is Sex. C'est devenu un classique, Confusion is Sex. Et c'est drôle parce que, donc, Bad Mood Rising, j'y viens assez vite parce que c'est le disque que je défends avant tout de Sonic Youth. Et je répète, je dis de façon un peu péremptoire que pour moi, c'est le meilleur de Sonic Youth. Lui va pas devenir instantanément un classique. Alors pourquoi ? Parce que c'est un disque en plein tumulte. Glenn Branca est certes un parrain, mais enfin, c'est un parrain un peu salopio. Il paye pas le groupe. Il n'en paye aucun sur son label, et puis très vite Glenn Branca va avoir la réputation d'être vraiment le gars le plus pas sympa de cette No Wave, quand bien même elle se positionnait comme provocatrice, punk à souhait, voire méchante, elle recelait quand même de plein d'énergie positive et constructive. Chez Glenn Branca, on n'était pas sympa. Voilà, tu vois, on règle nos comptes aujourd'hui. Alors du coup, Sonic Youth, bah, il va falloir qu'ils prennent un petit peu de... prennent un petit peu d'elle. Je parle d'un trio, mais il y a évidemment un batteur, mais il y a plusieurs batteurs. C'est la première incarnation de Sonic Youth se fait avec différents batteurs et ça se passe jamais bien. Voilà, et le batteur d'ailleurs qui va être convoqué dans Bad Moon Rising va pas non plus être le batteur définitif, c'est drôle. Vont arriver en fait juste après, oui, si, un vrai batteur définitif, bah, ouais, il se passe un petit peu quand même des trucs, qui est... c'est Steve Shelley, voilà. C'est marrant parce que j'ai pas pris beaucoup de notes aujourd'hui, alors des noms comme ça vous m'échappez. Mais Steve Shelley va rejoindre le groupe. À la fin de ce disque, il va figurer sur le clip qui va officialiser ce disque, mais quand bien même il y joue pas. C'est légèrement coquin. Voilà. L'intelligence de Sonic Youth, c'est un groupe qu'on peut définir par l'intelligence. Et sa manière de convoquer des références. Et je vais pas en faire le tour aujourd'hui. Mais l'intelligence de Sonic Youth, c'est aussi d'avoir été un peu à géométrie variable et d'avoir convoqué des personnalités de l'extérieur qui ont vachement vitalisé le groupe. Alors, je fais exprès un saut beaucoup plus dans le Sonic Youth de deuxième partie de vie, j'ai envie de dire, des années 90 et même des années 2000. Il y a par exemple Jim O'Rourke qui va rejoindre le groupe. Et on est finalement un élément officiel. Hein. Ça dure longtemps. Ça dure de 1999 à 2005, la collaboration de Jim O'Rourke avec le groupe. Et juste après, Mark Ebold, alors Mark Ebold lui vient de Pavement, c'était le bassiste et guitariste aussi, du groupe, et qui pareil va les joindre sur 6 années comme ça, voire plus. Et puis ma foi, bah, après c'est un peu la fin du groupe, et comme je le disais, notamment officialisé par la rupture du couple Thurston Moore et Kim Gordon. Mais voilà, alors qu'est-ce qu'il y a avant ça? Bah déjà, voilà, il y a un avant, il y a un après Sonic Youth. Et ça, qu'on le veuille ou non, quoi. Et il y a un avant et un après Bad Moon Rising. Donc ça y est, je viens enfin à ce disque qui est en début de carrière. Sonic Youth, pour info, c'est 15 albums officiels quand même. Hein. Plusieurs compilations, des extended play, il y en a 8, des singles, 21. Des productions parallèles sur Sonic Youth Recording, SIR Record, S-Y-R. Pas mal de bootlegs et des apparitions sur des soundtracks et des compilations, il y en a plus de 15. Donc, si vous voulez vous caler dans les bras toute la discographie de Sonic Youth, ça pèse lourd, évidemment. Et ça dure longtemps, évidemment. À l'époque des Bad Moon Rising, en 85, non, Sonic Youth passe pas lourd. Sonic Youth est même pas encore auréolé dans son propre fief, c'est-à-dire New York. Parce que justement, peut-être un peu trop à côté, pas dedans, et... pas assez glamour pour être dans ces figures de la no wave, telle qu'on le verra incarné par Lydia Lunch, par exemple. Lydia Lunch, elle est importante, elle figure dans cet album sur un titre particulier, et puis il se trouve que c'est la buddy, c'est vraiment la copine de Thurston Moore, s'entendent super bien. Il y aura d'autres collaborations, donc c'est pas mal. Mais celle-ci sera la première pour le titre de Fermeture. Mais j'y viens pas tout de suite. J'y viens pas tout de suite. J'y viens sur le ratage de ce disque. Et c'est un ratage tellement majestueux que ça en fait son meilleur disque. Ouais, je vous ai expliqué que je jouerais comme ça des espèces de contrastes sans queue ni tête pour parler du groupe. Alors, ce disque a longtemps été mal aimé et considéré comme raté. Alors pourquoi ? On va commencer par être un peu l'avocat du diable et voir pourquoi il a pas plu. Il a été réalisé dans un tumulte totalement incroyable. Et justement, il convoque le tumulte dans les titres même. Quand, en 1984, le groupe est sur scène, tourne déjà beaucoup, et là spécialement sur les scènes de New York, CBGB en tête et autres, ça reste encore un petit groupe, et on sait que le son de Sonic Youth est pour beaucoup constitué par des accordages de guitare, un open tuning particulier. J'y viendrai après. Mais cette marque des fabriques-là, quand le groupe est jeune sur scène et qu'ils ont un instrument éventuellement deux chacun, il y a plein de temps morts sur scène pendant lesquels le groupe va s'accorder ou se réaccorder en fonction du morceau qui est à jouer. Ce qui fait que déjà, non seulement le groupe sur scène balance quand même du lourd très noisy, hein, grâce à Sonic Youth, on va parler de noise rock, et là finalement, bah, on y est, hein, c'est ça. Sont un peu les papas. Mais entre chaque morceau, histoire de se mettre au point, il va y avoir ces temps de noise sur le noise qui vont en irriter plus d'un. Et quand il s'agit d'officialiser un peu ce bruit-là, et justement avec Bad Moon Rising, je trouve que le groupe a une idée de génie. C'est en fait de lier tous les morceaux studio par des filaments comme ça d'extra live qui vont réunir tout le machin. Bad Moon Rising, ça tire son nom d'une chanson très connue du Creedence Clearwater Revival. C'est une chanson de 69, c'était un tube de Creedence Clearwater Revival. Bad Mood Rising. Voilà, la mauvaise lune arrive, quoi. Et puis elle est là, la mauvaise lune. La mauvaise lune, c'est Reagan. On est en plein. L'Amérique va tourner au vinaigre. C'est écrit dans l'histoire, et effectivement, l'histoire nous le confirme. Et avec cet album, l'autre coup de génie, à mon avis, de Sonic Youth, et qui va pas être compris à New York, justement, c'est d'avoir quitté New York. C'est d'avoir quitté le giron, un peu branché, hein, de la dynamique grosse pomme qui explose de tous les côtés à ce moment-là. On y produit la meilleure musique du monde, à peu près. Et tout y est. Et là, tout d'un coup, bah, il s'agit plus de regarder cet épicentre bouillonnant, mais il s'agit de rayonner à l'extérieur et regarder l'Amérique qui va se déliter. La pochette, en ce sens, le dit complètement. C'est aussi la plus moche pochette de Sonic Youth. Parce que voilà, Sonic Youth a fait que des belles pochettes. Notamment en s'accaparant les services d'artistes de renom. On peut nommer la très fameuse peinture d'un cierge, d'une bougie qui fait la pochette de Daydream Nation. Elle est signée Gerhard Richter, une des pochettes les plus célèbres du monde. Et la peinture elle-même a été rendue célèbre grâce au disque. Raymond Petitbon a notoirement aussi fait des super pochettes pour le groupe. Et puis Louis Bourgeois, Mike Kelly. Donc là, non, tout d'un coup, la photo, elle n'est pas belle. On y voit une pastèque d'Halloween, vous savez, qui brûle, avec un fond derrière qui brûle. Alors excusez-moi, mais cette image, elle est dégueulasse, mais elle est forte aussi. Hein. C'est September 11, 2001, avant la lettre. On peut y voir ça. On peut y voir ça. Mais surtout, ce qu'on peut y voir, et ce qui se distingue dès l'écoute de ce disque, c'est effectivement cette Americana totalement violentée. Et cette relecture forcée, mais extrêmement assumée, par le groupe, des excès et de l'outrance de l'Amérique. Alors, bienvenue dans ce disque. Vous allez voir que ce constat amer est assez mortifère sur cette Amérique des années Reagan, sur toute sa corruption, va déceler quand même des merveilles, des secrets. Sonic Youth a... Quand on découvre ce disque à l'époque, peut-être pas seulement celui-là, mais spécialement celui-là, moi qui m'a retourné et qui me retourne encore, on se dit, mais d'où vient ce son? Comment c'est fait? Alors, je disais en préambule, la marque de fabrique du groupe, c'est effectivement l'open tuning. Mais croyez-moi, quand vous écoutez le disque dans votre petite chaîne toute tarabiscotée, et combien même ce serait une chaîne haut de gamme, vous ne pouvez pas deviner comment sont faits ces accords-là, quoi. Or, bah, le groupe a été sympa. Toute la discographie du groupe, tous les morceaux, tout l'accordage et les sous-accordages sont portés sur la biographie du groupe et sur le site. Accord spécialement inventé par le groupe et qui justement va prendre sa force dans ce disque-là, c'est le fa dièse, fa dièse, fa dièse, fa dièse, mi, si. Bon, quitte à rappeler l'évidence, il y a six cordes sur une guitare. Mi, la, ré, sol, si, mi. En anglais, E-A-G, E-A-D, G-B-E. Et là, on passe sur le F dièse, F dièse, F dièse, F dièse, E-B. Fa dièse, fa dièse, fa dièse, si, mi. Alors qu'il y a deux fa dièse à l'octave, on aura compris. Mais donc, vous avez deux fois quand même la même note, le même truc. Et le cas échéant, Thurston Moore et Lee Rinaldo sont accordés selon ce même tuning, ou pas. D'où ces stratégies qui obligeaient sur scène à revoir l'accordage. Autre accordage chez eux, le G, G, D, D, D dièse, D dièse. Pareil, deux notes à l'octave, répété trois fois. Et sa variante aussi. GG, CC, A dièse, A dièse. Voilà, donc Sol, Sol, Do, Do, La dièse, La dièse. Donc, merci au groupe d'avoir créé une très solide documentation en ligne. Non seulement le tuning est précisé, mais parfois il y a même le tirant des cordes utilisé pour l'accord. C'est génial quand même, parce qu'effectivement, si vous triturez vos guitares au-delà d'un accord entre guillemets standard et orthodoxe, bah, vous allez les solliciter pas mal. Donc en général, le tirant des cordes va devoir être revu un petit peu à la hausse, de manière à ce que les cordes soient un petit peu plus épaisses, un petit peu plus solides, et que du coup, elles tiennent plus durablement l'accord. Bah, attention, hein, qui dit cordes plus épaisses dit que ça fait plus mal aux doigts et que c'est plus difficile à jouer. Alors, puisqu'on parle guitare, tiens, mais qu'on est un peu geek sur le truc, Lee Ranaldo, tout comme Thurston Moore, vont aussi être parmi les premiers à réhabiliter des guitares dont on ne veut plus. Alors, en tête de laquelle, bah, la Mustang, la fameuse Mustang de Fender, évidemment, et la Jazzmaster de Fender. La Mustang, c'était une guitare un peu bas de gamme que Fender avait destinée au groupe surf rock des années 60, quoi. Et en fait, dans les mains du groupe, c'est devenu un truc complètement incroyable. Alors pourquoi? Parce que personne ne voulait de ces guitares, justement. Elles n'avaient pas bonne réputation. Donc allez, on embarque. Ça se trouvait au marché de l'occasion à pas cher. Et très, très, très vite, Lee Ranaldo, comme Thurston Moore, et le groupe lui-même, bah, du coup, ont rendu ces guitares-là complètement iconographiques. La forme de la Mustang, elle est légendaire. Tout comme celle de la Jazzmaster. Alors, la Jazzmaster, elle n'était pas bas de gamme. Elle ne se voulait pas bas de gamme. Mais, rien que dans le nom de Jazzmaster, hein, si vous faites un groupe de rock, vous ne voulez pas une guitare Jazzmaster. Pas question à ce moment-là. Et croyez-moi, grâce à Sonic Youth, ça va changer du tout au tout. Parce que toute la noisy pop qui va venir, elle va emmancher des Jazzmaster et des Mustang. My Bloody Valentine en tête, voilà, Jason and Mary Chain, enfin bref, tous. Et encore aujourd'hui, hein, c'est la guitare Fender iconique. Jouer d'une Stratocaster comme Hendrix, c'est un peu trop rock 70s, quoi. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on va rentrer dans ce disque? Allez, rapidement. Ce disque, c'est une longue complainte, avec certes une introduction quand même qui ça va, et puis un premier morceau convenable. Et un dernier morceau, enfin, qui va soulever, entre guillemets, le tube potentiel. Je commenterai ce dernier morceau plutôt justement quand on l'aura entendu. Mais il faut comprendre que ce disque a eu deux incarnations, il y en a une mauvaise et une bonne. Bad Mood Rising, Good Mood Rising. Le Bad Mood Rising, et c'est fabuleux parce que là encore, c'est souligné un paradoxe qui va profiter à Sonic Youth. C'est quand il rôde cet album et qu'il le joue finalement sur scène, et là on l'entend pratiquement dans l'ordre où le truc était joué sur scène en 84. Ils sont enfin reçus en Angleterre. On les attend de pied ferme. Et Mute, qui a envie de signer le groupe, et qui va profiter finalement du malaise que j'évoquais auparavant avec Glenn Branca et son label Neutral Record, le couple de Montcas Barré de là, c'est ce qu'ils vont faire, va en fait être la première signature de Blast First Recording. Blast First Recording, c'est une subdivision créée par Mute. Et qui va durer. Et qui va tout à fait dans le ton des sonorités impulsées par Sonic Youth. Et ça va être avec cet album-là. Mais il se trouve que pour lancer le machin, la tournée et le concert à Londres se passent catastrophiquement. Les amplis ne marchent pas, le son est catastrophique. Rien, c'est presque un euphémisme que de parler de son catastrophique pour un groupe qui fait du noise absolu et puis qui met le bouchon beaucoup plus loin que la moyenne à l'époque, mais qui néanmoins ne peut pas parvenir à ses fins parce que le sound system ne marche pas, en tout cas pas comme il faut. Thurston Moore, qui pousse la stridence assez fort sur sa guitare, est quand même un des gars les plus gentils du monde, a pété des plombs comme un dingue. Le groupe se barrait sur scène au bout d'un quart d'heure, bref. Du coup, à Londres, le groupe a une réputation totalement exécrable. Et quand le groupe revient à New York, et qui rejoue dans les salles habituelles où ils avaient 30 personnes et pas plus, bah tout d'un coup, y en a 350 qui font la queue et qui peuvent pas rentrer parce que c'est dingue. Bref, donc grâce à cette explosion de violence, alors très concrète et très légitime, qu'avait dû exprimer le groupe sur scène parce qu'à Londres, ça s'était passé catastrophiquement, et bah du coup, voilà, ils sont revenus avec une espèce de réol punk qui les rendait finalement plus désirables dans leur propre pays que juste auparavant. Du coup, Le Death Valley 69, je vous dis, c'est le morceau qui ferme l'album, mais c'est aussi le morceau qui lançait l'album dans sa première édition. Il a été un ratage dans sa première édition. Et du coup, l'album a suivi, bah, pas plus que ça. Au retour de Sonic Youth, malin, et justement avec l'idée de Blasted Recording de retenter le coup, ils ressortent le single, et là, ça dépote. Et là, tout le monde se met à apprécier ce single. Ça tombe d'autant mieux que Lydia Lunch y apparaît comme guest star. Elle est là, elle a très envie de défendre ses petits potes. Et du coup, ça va se passer très bien. Donc ce mauvais départ de Sonic Youth est aussi le vrai bon départ de Sonic Youth. Mais avec un an de décalage et avec le même disque. Comme tout ça est étrange. Et du coup, à l'écoute de cet album, bah, vous allez voir, on est à l'intérieur de ce marasme et dans ce qui va sortir un petit peu du marasme. Donc prêtez bien l'écoute, on reviendra un petit peu sur les expériences de Sonic Youth et post de cet album, et spécialement cet album après l'écoute, mais faites un peu attention à tous ce tissage absolument excellent et qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait dans les standards du rock, même les plus péchus et les plus noisy du moment. Il y a une vraie idée de composition avec le bruit, et finalement il y a quelque chose d'assez narratif et qui ramène à cette saleté de lune morbide qui va camper l'Amérique riganienne des années 80. C'est clairement dit, ça commence comme un voyage, c'est un voyage qui finit pas bien du tout. Death Valley 6ix9ine le corrobore, notamment avec un clip de Richard Kern qui a pas peur d'aller dans l'hémoglobine. Mais au-delà de la parodie, parce que le clip est lui-même un peu outrancier, c'est pas là pour ne rien dire. Bad Mood Rising, Sonic Youth, et bien sûr c'est Cargo Cult. We'll be right back. Sure. twisted passions, flesh parade, dead ahead, a world so wide. A big river love kept the house boy and hill girl, the agony calm. Don't crowd me, it's time for crime. Strange beat river girls, misery index. Inside my head, my dogs are bare. We'll be right back. Et ce long, très long decay de noise réverbéré trace et signature ultime donc de l'album Bad Mood Rising composé en son temps par Sonic Youth. C'est notre carré culte du jour. Alors Death Valley 69 qui clôt le disque, c'est le seul morceau présentable, j'ai envie de dire, de l'album, et c'est le seul qui est devenu un classique. Et de fait, ça a été le single. Alors, c'était le single deux fois, et l'histoire est drôle finalement parce qu'elle résume à elle seule toute la carrière de cet album, puisqu'il est le single qui va sortir en amont, enfin en même temps que l'album au tout début. Flop absolu, personne n'en veut. Et puis se passent tous les drames que je racontais, la tournée londonienne qui part avec des fusibles explosés de partout et qui quand même va profiter à Sonic Youth qui va revenir avec une hype comme ça, qui va enfin permettre au disque de se faire entendre, je vais pas dire décoller, pas tout de suite en tout cas. Et du coup, vas-y qu'on fait un clip, donc on ressort le single. Donc le premier single est aussi le deuxième et l'unique, et là ça marche. Et ça marche d'autant mieux que le clip qui accompagne le truc est sévère. Death Valley 69, on entendait une voix féminine derrière, c'est pas du tout celle de Kim Gordon, qui est beaucoup plus dans le grave et dans un registre assez parlé. Là, c'est le contraire, et c'est la copine de Thurston Moore, en tout cas la buddy, puisque pour la petite histoire, le couple Thurston Moore et Kim Gordon d'ailleurs se marient pendant qu'ils font cet album. Il y a de l'amour dans ce disque, bordel de merde. Il est caché, mais il est là. Et quant à Lydia Lunch, la vraie pote, elle prête sa voix là-dessus et puis elle prête son corps et sa gestuelle au clip. Et le clip, c'est un monument d'outrance et de génie. C'est clippé par Richard Kern. Donc Richard Kern, c'est à peu près ses débuts en 1986. Hein, je répète, le clip vient un an après la sortie de l'album. Et donc starring Lydia Lunch, qui est déjà une de ses érégies, et égérie plutôt. Et starring aussi Lung Lang, alors qui elle est l'égérie principale des films de Richard Kern. Un film plus ou moins sulfureux qui vont vraiment marquer le temps, quoi. Lung Lang, pin-up anti-wave et super-no-wave de l'époque, va d'ailleurs se retrouver en couverture de l'album suivant de Sonic Youth, Evol. Et Evol, quelque part, va commencer à laisser les premiers classiques de Sonic Youth. Et puis ensuite, Sister, autre album. Et ensuite, alors la consécration, là, disons-le, le double album Daydream Nation. Chacun de ces albums, et ceux qui suivront, va finalement faire des disques de rock extrêmement secoués, clairement au-dessus du lot de beaucoup, mais finalement des disques de rock, avec un titre de rock, puis un autre de rock et de noise rock et de total. Mais pas cette espèce d'incantation sonore ultra turbulente et plus ou moins maîtrisée que représente finalement Bad Moon Rising. Je reviens sur sa composition. Une introduction qui lance le truc à un morceau, voilà, et puis Death Valley 69, là, donc en paix là, en hommage à Charles Manson quand même, hein. 69 c'est l'année sacrée, donc comme le dit finalement très très bien Kim Gordon, je chante les ténèbres qui se cachent sous la couverture brillante de la pop culture américaine. Évidemment, voilà. Et on notera que c'est beaucoup le fait de Kim Gordon. C'est beaucoup le fait de Kim Gordon, sachant qu'il y a chez elle, évidemment, une figure proto-Riot Girls évidente. Évidente. Figure proto-Riot Girls qui va même être finalement la productrice du premier, en l'occurrence du deuxième 45 tours de Hall. Donc là, je fais exprès de sauter une courte génération, parce que finalement, tous ces trublions du bruit de Seattle, etc., autour de Nirvana, Hall, L7 et autres, vont s'en donner à cœur joie, pas très très longtemps après Sonic Youth. Mais néanmoins dûment dopé par Sonic Youth et très certainement par une figure comme Kim Gordon. Et Kim Gordon comme productrice, c'est pas du tout inintéressant. Loin de là, loin de là. C'est ça qui est génial. C'est loin d'être une excellente bassiste, mais c'est une figure absolument, absolument fabuleuse. Et ce féminisme vitriolé, elle l'impose assez fort, notamment au milieu du disque. C'est le meilleur moment de cet album. Alors autant dire que c'est le plus noisy. Là encore, je suis ultra partial, je laisse parler une espèce d'extrémisme en moi qui jubilait sur ce disque à l'époque et qui a moins jubilé après, sur les autres, je vous ai dit pourquoi. mais repenser un petit peu au morceau du milieu, un qui s'appelle Ghost Beach. Il est assez facile à identifier parce qu'il est constellé de cornes de brume. Alors, cornes de brume qu'on ne sent pas, mais on peut imaginer qu'il y a. C'était un jeu auquel se prêtait assez souvent d'ailleurs Lirinaldo, un jeu d'archer sur des cordes basses de sa guitare, et probablement le tout passé dans un octaveur ou un truc qui, en plus d'une saturation probablement donnée par une pédale de disto radicale, et aussi accentué par une basse renforcée dans l'octaveur. Et ça donne un son comme ça, très très long, qui va porter au contrario les petits sons cristallins super aigus, là aussi noisifiés de certaines mots. Donc il y a ce dialogue entre les deux guitaristes qui fait date et qui va rester une marque de fabrique du groupe. Mais au milieu de ça, Kim, et ses mots comme ça, susurrés, balancés. Et Ghost Beach, ça raconte une agression sexuelle absolument terrifiante, quoi. Et s'enchaîne à ça le morceau, et là c'est Orson Moore qui prend le relais au niveau du chant, le morceau I'm Insane, qui est une pièce totalement sinistre elle aussi, et qui joue d'un copier-coller de fragments de romans noirs, de pulp books comme ça, piochés à droite et à gauche, quoi. Donc bien sûr, on peut avoir une lecture comme ça, presque littéraire, parfois de Sonic Youth. La réédition a avantageusement inclus un EP qui est sorti dans la foulée du truc, mais qui avait été complètement écarté de l'album, mais qui du coup le complète quand même vachement bien dans sa réédition, qui a bien un petit peu après par Geffen Records. C'est notamment le single Flower. Et là encore, c'est pas le single qui est le plus intéressant, même si Flower est pas mal. Ce qui est vraiment bien, c'est un morceau qui s'appelle Halloween. Et là encore, c'est les spoken words de Kim Gordon qui vont donner le ton. C'est un morceau assez long, qui dure 5 minutes et demie, complètement lancinant, complètement incantatoire, et qui nous remet vraiment dans le propos, quand même, le plus pessimiste de tous les disques de Thank You. Parce qu'effectivement, c'est un constat, il faut le dire, Bad Moon Rising est effectivement un disque glauque, c'est effectivement un disque pessimiste. Et en cela, on peut reprocher ça au groupe, parce que finalement, dès la suite, il va y avoir du second degré, et j'en suis convaincu, beaucoup d'humour chez Sonic Youth. Je le justifierai juste après par une reprise décadente et hilarante, mais finalement ô combien festive, qui conclura ce programme. Moi, je vous donne un indice, c'est un hommage à la musique punk belge. Mais en attendant, trois morceaux justement qui constituent Same EP, qui complète brillamment la série. Ça sort pareil dans la foulée en 1985. Et alors respectivement, on va entendre le EP complet, hein, avec Flowers, Halloween et Saturn is Boring. Et c'est Saturn is Boring, je pense, qui ouvre le bal, et Flower qui le sépare. Donc faites attention spécialement au morceau du milieu, Halloween, et qui renvoie directement en fait à la pochette de Bad Moon Rising, qui était notre disque du jour, donc Cargo Cult, où effectivement on y voit cette icône, hein, de l'Amérique totale, cette figure d'Halloween, la pastèque avec des flammes derrière. Rendez-vous dans à peine 12 petites minutes pour la reprise du jour. Je vous en dis pas plus, mais c'était un peu belge quand même. It's a shock absorber. There's something shifting in the distance. Don't know what it is. Days as dead as night, except for that feeling that's growing up inside of me as you sing your song, as you swing along and your, it's your song. It's the devil in makes me stare at you as you twist up along, you sing your song and you're slithering up to me and you're so close. I just wanna touch you and sing your song and you don't know what's going on, but you wanna me to come along as you sing your song and you're racing at my insides and sing along. You're just a swinging man, isn't your swinging song? And now I don't know what you want, but you're looking at me and you're falling on the ground and you're twisting around, fucking with my mind, and I don't know what's going on. Swing your song, twisting your lungs, you slither up to me, and it's gotta be, and I don't know what you wanna do, and you're looking at me, and your big dark eyes, and you're rubbing your body, twisting. We'll be right back. Cargo Cult, c'est consacré aujourd'hui à Sonic Youth et donc spécialement à une époque, alors je vous l'accorde, hein, qui n'est pas la plus joyeuse du groupe, l'album Bad Mood Rising 1985, et puis dans sa foulée immédiate, le EP là dont on entendait les trois titres, Flower à l'instant, mais aussi Satan is Boring et Halloween qui complètent quand même divinement le truc. Alors quand je disais que Sonic Youth avait de l'humour, au cas où vous en douteriez, je vais vous le prouver dès maintenant et ça, voilà, ça va être notre vraie sortie. Et croyez-moi que si vous ne trouvez pas au bout de quatre mesures de qui la reprise qu'on va entendre là tient, vous allez être tous condamnés à écouter l'intégrale de la musique punk belge de l'année 1977. C'est avec ça qu'on se quitte, ça plane haut et c'est bien sûr Sonic Youth, c'est nos héros du jour. C'est pas la meilleure reprise du monde.